Bonjour à tous, bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du Web 2.0. Nous sommes le lundi 1er février 2010 et c'est l'épisode numéro 6. Bonjour à tous, bonjour William et bienvenue pour ce sixième numéro des Projets du Web. Avant de commencer, un petit rappel des chiffres du mois de janvier. On a quand même comptabilisé 1446 téléchargements, 766 visites sur le site et 50 nouveaux inscrits au podcast. Donc continuez comme ça, c'est magnifique. Le bouche à oreille a l'air de plutôt bien fonctionner. Et surtout, si vous avez envie de nous faire part de vos remarques bonnes comme mauvaises, n'hésitez pas à le faire via les commentaires sur le site, sur iTunes ou même sur notre répondeur téléphonique au 01 77 45 50 96. Donc on commence tout de suite avec les projets de ces deux dernières semaines et c'est toi, Camphis, qui commence. C'est Emploi City, je crois. Donc Emploi City, donc c'est un site qui va réunir les étudiants, par exemple, avec le monde de l'entreprise. Il va y avoir toute une partie aide, créer son CV, avoir un CV personnalisé, des conseils, des notes, pour savoir un petit peu comment l'améliorer, quelle partie mettre en valeur, des lettres de motivation aussi, même principe, comment se mettre en valeur, etc. Et tout est axé pour vraiment être avec une entreprise, trouver une entreprise. Il y a des témoignages, il y a également pour trouver une entreprise qui est en adéquation avec un petit peu ce qu'on a eu comme diplôme, etc. D'accord. Et il y a évidemment des offres d'emploi et une partie communauté avec des retours d'expérience. Donc ce qui est intéressant, c'est ça fait un peu un coach pour la création de CV et tout ça. C'est exactement ça. C'est, disons, tenir la personne par la main, plus côté étudiant, plus des personnes jeunes. Qui n'ont pas encore connaissance beaucoup du milieu du travail et qui ont besoin de conseils et d'autres choses comme ça. C'est plutôt sympa. Donc c'est tout ce que tu as à dire sur Emploi City. Oui, pas c'est de... très rapide. Voilà, en tout cas, on vous conseille, si vous êtes étudiant et vous cherchez un emploi comme beaucoup en général, Emploi City, c'est pas mal, allez y faire un petit tour. Moi, j'enchaîne avec Lisez-moi aussi, donc c'est un de nos auditeurs qui nous l'a proposé, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un site qui propose des fiches de livres contenant un résumé complet des critiques, des informations techniques, une note, un extrait, plein de choses. Donc des fiches comme vous faites à l'école. Il est basé sur un aspect communautaire. Tout le contenu des fichiers de livres peut donc être modifié, comme Wikipédia. Les livres peuvent être classés selon de nombreux critères, donc l'auteur, l'éditeur, le genre, date de publication, etc. pour permettre d'effectuer des recherches plus confortables et surtout plus efficaces. Du coup, ça fonctionne très très bien. Il y a un système de rédaction et de publication d'écrits qui est également disponible, avec un classement, une possibilité de noter et de commenter. Donc c'est vraiment un Wikipédia pour les livres. Et puis enfin, une communauté de passionnés, conviviale et très réactive est à la disposition des lecteurs. Très intéressant pour les étudiants et pour tout ça. Tu as pu y faire un tour, William ? Oui, j'ai regardé un petit peu. Ça a l'air assez intéressant. Alors, mais malheureusement, je ne lis pas beaucoup. Ok. Donc, ce sera peut-être pas pour moi. Ah, on pourra en parler tout à l'heure de toute manière. Ça fait un peu partie de notre débat. Ça rentre un peu dans tout ce qui est la mouvance des e-readers et autres choses. C'est le livre est accessible aussi par d'autres supports comme ce site. Donc, c'est Lisez-moi aussi. L'adresse est comme toujours dans les notes de l'émission. Je te laisse s'enchaîner, William, avec Fais du sport, qui est aussi un projet qui a été posté par l'un de nos auditeurs. Oui, donc Fais du sport, le nom est assez explicite, évidemment. Et donc c'est pour pouvoir tout simplement pratiquer une activité, mais surtout pour éviter d'être seul, en fait. Parce que c'est toujours plus amusant de faire, par exemple, de la marche, de la course, n'importe quoi, et de le faire à plusieurs. Donc ça permet de trouver quelqu'un tout simplement proche de soi avec un sport qu'on aimerait faire simplement. C'est un peu un site communautaire exactement qui permet la force vient du fait que il y ait plus il y a de gens évidemment qui vont aller dessus, plus ça va être intéressant de trouver. Ok, donc c'est un site communautaire qui vous permet de trouver des personnes pour faire du sport avec vous suivant le sport que vous faites, la région et tout ça. Fais du sport, vous pouvez aller le voir, c'est faitdusport.fr, le lien sera dans les notes de l'émission. C'est pas mal foutu comme site, moi j'ai bien aimé. Donc vous vous inscrivez, vous créez un événement ou vous attendez de voir les événements qui sont créés par d'autres membres et vous les rejoignez, vous parlez, vous faites des amis. Plutôt sympa pour les sportifs. Malheureusement, j'en suis pas un, mais pour les sportifs, c'est plutôt sympa. Voilà, avec le prochain projet, je vais retourner dans la mouvance des e-readers et de tout ça. C'est Evadoc, evadoc.com. Alors, c'est un site gratuit de partage de documents. On peut y lire en ligne et ajouter tout plein de types de documents gratuitement, en fait. Donc, j'ai un exemple de liste de types de documents que vous pouvez y retrouver. Donc, il y a des documents scolaires, cours de maths, histoire, annales, fiches, des e-books, donc livres numériques, des documents d'entreprise, des publications juridiques, des partitions, tout plein de choses. Donc, les formats de ces fichiers, il y a format texte, PDF, Word, Excel, PowerPoint, images et magazines. Les documents sont protégés par les droits d'auteur, donc ils peuvent pas être ajoutés par n'importe qui. Il y a un système d'alerte qui est mis en place s'il y a violation de ces droits. Donc ça, c'est pas mal. Le site est en forte croissance. L'équipe qui développe ce site est soutenue par l'incubateur ESSEC Venture, qui est l'incubateur par lequel est passé le très connu Deezer.com. Donc ça vous laisse imaginer le potentiel. Il y a quelques stats qui m'ont été fournies. Donc en janvier 2010, 25 000 visiteurs uniques mensuels après 4 mois d'existence et 22 000 documents postés. Donc l'idée des créateurs est finalement la suivante. YouTube propose des vidéos, Deezer de la musique et Evadoc des documents. Les propos du créateur qu'il a pu m'envoyer, donc au vu de l'actualité brûlante autour du livre numérique, Google Books, Kindle, rapport Tessier, il nous semble qu'Evadoc est révélateur et témoin des nouvelles possibilités numériques sur l'avenir du livre numérique et de la lecture en ligne. La structure du site est en plein développement. Nous allons bientôt développer en profondeur l'aspect communautaire. Le but est de créer une plateforme d'autopromotion et de ses écrits. Donc les chantiers de ce site sont les suivants. Des pages personnalisables pour les entreprises et particuliers regroupant certains documents, comme les chaînes YouTube en gros. Un lecteur de documents personnalisé et exportable sur les blogs, une interface permettant de mettre en ligne plusieurs documents en une seule fois et un design modernisé. Donc voilà, j'ai fait un beau petit monologue. Est-ce que William, tu l'as testé? Est-ce que tu as été voir? J'ai pas testé, mais le concept en fait me plaît. Alors, je vais expliquer rapidement. Donc avant, j'étais assez réticent à tout ce qui était principe de cloud, comme tu pouvais le savoir. Et plus ça va et plus en fait je commence à m'y plus qu'attacher, mais à utiliser et vraiment apprécier. Parce qu'en fait, je commence à me balader en fait sur le smartphone et sur le netbook. Donc du coup, j'ai besoin de synchroniser mes données un peu partout. Du coup, le cloud Et est... donc là, je vois par exemple, donc mettre tous les documents comme ça, Ouais, c'est clair. partage de documents, c'est vraiment très bien. Moi, j'aime bien le rapprochement qu'ils font un peu entre, il y a YouTube pour les vidéos, Deezer pour la musique et Evadoc pour les Exactement. documents. Encore une fois, ça permet de centraliser tout sur un site. Ouais, c'est le cloud, quoi. C'est plutôt sympa J'apprécie comme... aussi le côté communautaire. Je trouve que c'est très important maintenant pour les sites d'avoir cette branche-là en plus, faire participer un peu Le fait les d'avoir des personnes. commentaires sur ces documents et tout ça, enfin... Ouais, plutôt intéressant. Donc evadoc.com. Et alors si il fait partie de l'incubateur, le même incubateur que Deezer.com, je pense qu'on peut être certain qu'il a un bel avenir devant lui. Voilà, c'est tout pour evadoc.com. Je te laisse finir avec le dernier projet de ces 2 dernières semaines. Enfin, d'ailleurs, il est bien plus vieux que Il ces est deux dernières très vieux, semaines, oui. mais voilà, je te laisse. Il est encore en bêta. Je te laisse. Alors, le dernier projet, c'est Quake Live, qui est effectivement toujours en bêta, mais qui honnêtement tourne très très bien. Donc, Quake Live, concrètement, pour ceux qui ont connu, c'est Quake 3, pardon, Arena. Donc, ça remonte, hein. C'était vraiment, je me souviens, c'était dans les premiers jeux que j'ai vraiment commencé à jouer, où basiquement on saute et on tire, hein. Ça va pas plus loin que ça. Mais en fait, l'intérêt, c'est qu'on peut y jouer directement dans son navigateur. Donc Firefox, Chrome, tous les navigateurs. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il peut tourner sous Windows, sur Mac, sur Linux. Et surtout, bah, évidemment, que dans ce navigateur-là. Donc on n'a pas besoin d'installer avec des CD ou peu importe. Et c'est évidemment gratuit. L'idée à la base était de sponsoriser par la pub. Alors, je crois qu'ils ont eu quelques petits soucis à un moment, mais ça a l'air d'aller maintenant. Ouais. Donc moi j'ai un compte dessus depuis un moment et bon, j'aime beaucoup. Ça tourne plutôt J'aime bien, hein. l'idée. En fait, ça me fait penser un peu donc au projet qui permet, tu sais, le cloud pour les jeux vidéo, comment ça s'appelle? OnLive. C'est un, C'est pas tout à fait enfin, pareil, c'est mais pas le oui, même je comprends ce que système, tu veux dire. mais c'est voilà, c'est dans les premiers cloud gaming en fait. C'est pas du tout le même système de fonctionnement parce que voilà, c'est OnLive est particulier, mais c'est les premiers jeux qu'on voit apparaître sans installation physique sur son ordinateur. C'est pas. Enfin, oui, parce qu'en fait, on décharge un petit peu quand même un peu de données. Hein. C'est un, ouais, enfin, c'est un Il doit y plugin qui avoir nous permet de peut-être, lire, c'est un mais jeu léger, donc c'est 100, 200 mémos peut-être qu'on va avoir sur l'ordinateur. on Alors que télécharge oui, pour absolument pas le OnLive, jeu. c'est plus, Hein. c'est juste en fait, on récupère juste le flux vidéo, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, mais on ne télécharge absolument pas le jeu quand on joue à Quake Live. Je On crois que si, télécharge hein. un Il plugin me qui nous semble permet. que si. Ouais, bon, Mais à c'est vérifier, complètement mais. caché, en fait, on le voit pas du tout et c'est vraiment pas du Je tout crois pénalisant. sincèrement que c'est un plugin qui nous permet juste de récupérer les données plus rapidement et puis qui. Enfin, mais c'est pas le jeu en tant que tel est vraiment stocké sur. Enfin bon, on Et verra. pour les personnes qui vont apprécier ce type, disons, de jeu à travers un browser, Internet, un navigateur, il y a aussi Battlefield Heroes, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc c'est plus cartoon au niveau graphisme, donc c'est un Battlefield. Il y a quatre classes de disponibles. Par contre, alors modèle économique, disons, est un petit peu différent. Eux, ils vont privilégier l'achat de, j'allais dire, items, d'objets Ah d'accord. payants. Ok, Voilà. au sein du jeu en fait, on peut Au payer sein du jeu, pour voilà. Si on veut, avoir. par exemple, c'est des choses assez amusantes. C'est par exemple, on veut se déguiser, je sais pas, en n'importe quoi, en parachutiste, truc comme ça. On va Ouais. rajouter un parachute avec un casque. Il y a Ok. des choses assez drôles, mais bon, on doit débourser un petit peu D'accord, bah d'argent. pareil, tu me fileras le lien et je le mettrai dans les notes de l'émission Pas de souci. avec Quake Live. Donc je crois que c'est fini pour les projets de ces 2 dernières semaines. Je vais faire un petit retour sur les projets par rapport à un projet qu'on a présenté la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, l'épisode dernier, guitare improvisation. Donc ben, Martin, le créateur, je crois, du site, m'a signalé une petite erreur que j'avais faite en fait. Et donc n'hésitez pas à faire la même chose, surtout si vous repérez des erreurs lors de nos émissions, envoyez-nous un petit mail et on fera des petits retours comme ça. Donc sur guitare improvisation, je me suis trompé, il ne donne absolument pas de conseils pour la basse, mais bien sûr les notions sont applicables aussi à la basse puisque les 4 cordes d'une guitare basse sont les mêmes que les 4 plus graves d'une guitare une octave plus bas. Donc effectivement, il ne fait absolument rien pour la basse, mais vous pouvez, si vous avez le courage, utilisez guitare improvisation pour aussi apprendre un peu sur votre basse. Donc je m'en excuse et voilà, je crois que c'est corrigé. Merci à Martin de nous l'avoir fait, enfin, nous l'avoir signalé. Un petit plus, William, tu voulais, enfin, je te laisse en parler. Oui, c'est un petit plus concernant le podcast Niptech, Ouais. qui a récemment parlé de nous dans son podcast, évidemment. Et en fait, c'est un podcast très similaire au nôtre, donc qui est axé sur le web, les news et les projets qui en sortent régulièrement. Donc j'ai trouvé très sympa leur citer un petit peu ce qu'on faisait et inviter leur auditeur à nous écouter. Et bah, on leur rend l'appareil parce que Voilà, donc c'est vraiment très ils sont gentil. suisses, je crois, c'est ça? Ils sont suisses, oui. Voilà, donc c'est l'équivalent, enfin l'équivalent ou presque, en plus pro, sans doute, mais bah, des projets du web, mais là-bas en Suisse. Du coup, bah, allez les écouter, ça vous donne une autre vision un peu du monde high-tech vu par un autre pays. Alors, bon, bah, on a parlé, enfin j'ai parlé de 2 projets. Durant ben là, les projets que j'ai présentés, il y avait Lisez-moi et Evadoc. Et alors, ces 2 projets, bizarrement, ils avaient un point commun. Ils se rapprochaient d'un petit débat, d'une actualité qui est plutôt brûlante en ce moment autour des e-readers et des tablettes. Du coup, vous vous en doutez, aujourd'hui, le débat porte sur le dernier produit de la firme à la pomme, c'est l'iPad. Donc, William, je te laisse commencer si tu veux bien. Pour introduire bah, le produit en tant que tel, si ça te dérange pas, qui a été présenté donc mercredi 27 janvier à la keynote par Apple. Est-ce que tu peux présenter vite fait le produit en essayant de rester le plus objectif possible? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense pas que ce soit une bonne idée de me laisser présenter le Non, mais si, slide. justement. Donc, Apple nous a présenté lors de sa keynote mercredi dernier, alors on enregistre le podcast, une nouvelle tablette qui s'appelle l'iPad. Donc, je pense que vous le savez, si vous êtes un petit peu dans la tech, vous avez sûrement vu votre timeline sur Twitter. Donc, je pense que vous êtes au courant. Et donc, globalement, si vous, malgré tout, vous ne savez pas ce que c'est tout simplement une tablette, mais un iPhone plus grand. Donc, disons quatre iPhones collés comme ça. Donc, ça fait une tablette, à peu près dans un format à peu près 4 tiers. Je crois que c'est à peu près Ouais, c'est ça. ça. Mais je crois que c'est deux écrans d'iPhone parce que j'ai Deux, t'es sûr? oui, j'ai mis un message sur Twitter et Effectivement, je m'en souviens. c'était deux écrans d'iPhone, donc voilà. Ils sont juste un peu plus grands. Je crois que c'est ça, hein, mais bon. Et donc, globalement, les caractéristiques, l'OS, enfin, c'est globalement la même chose. Parce que le SDK qui est sorti fait aussi, c'est le SDK iPhone et iPad. Les applications devraient être normalement compatibles. Ouais, le son. On n'est pas complètement sûr, mais enfin, vu qu'il y a des fonctionnalités qui n'existeront pas dans l'iPhone ou inversement, donc peut-être qu'il y aura des petits soucis, mais normalement, oui, elles sont Bah, compatibles. Puis surtout au niveau de la de taille d'écran, tu sais. l'iPhone vers l'iPad, elles sont toutes compatibles. Hein. Ouais, mais tu sais, au niveau des, comment dire, des tailles d'écran, peut-être qu'on peut, ça peut, je sais, Ah on va bah voir ils comment ça se ont un passait, mais système révolutionnaire normalement, qui oui, c'est compatible, quoi. Ouais, oui, c'est compatible. Ça, je confirme. Et il y a même un système qui permet de doubler les pixels et de les rendre toutes en plein écran pour éviter d'avoir la taille d'une application iPhone sur son iPad. Tu as d'autres choses à rajouter dessus, sur les caractéristiques techniques et autres? Bon, ils ont juste deux, trois modèles concernant la taille mémoire qu'on peut stocker dessus, donc pas très intéressant. Il y a Ouais, il y a. sinon tous les modèles donc, sont de base en Wi-Fi et on peut avoir une option 3G avec les fournisseurs. Alors pour là-bas, c'est AT&T, etc. Donc nous, Orange, etc. Ouais, c'est débloqué, hein. Donc vous pouvez Oui, utiliser ils n'importe sont quel. de base, ils sont des SIM loqués, donc on peut. Ils ont un port mini SIM. Alors moi, j'ai pas de mini SIM, j'ai une SIM, si je me trompe pas. Ouais, je Mais crois que si c'est jamais j'ai une mini tout. SIM un jour, je pourrais mettre dedans Voilà, et c'est ça. utiliser. Donc, alors, je vais te laisser, parce que moi je vais un peu contredire ce que tu. Toi, tu vas faire, je pense, comme tous les blogueurs et tous les geeks du milieu, tu vas démonter cette tablette, si je me trompe pas. Donc je vais te laisser commencer et après moi je vais donner mon avis qui est un peu différent en fait. Alors, bah, tout d'abord, ça n'apporte rien en fait, cette tablette-là. Parce que je ne sais pas si tu as suivi, moi j'ai beaucoup suivi Revision Tree, donc Non, ouais, pas une grosse trop. entité pour les podcasts américains notamment. Et ils ont beaucoup couvert le CES, donc c'est à Las Vegas, c'est un show, enfin un show, une rencontre pour tout le matériel électronique de tous les grands fournisseurs. Donc il y avait toutes les télé 3D, etc. Et il y avait énormément de tablettes. Ouais, bah c'était télé 3D et tablette, les deux Voilà, produits qui pour c'était vraiment 2010 ça. vont être voilà. Et j'ai vu vraiment des choses innovantes qui apportaient des nouvelles choses, des formats un petit peu plus exotiques, disons, qui étaient vraiment intéressants, qu'on pouvait à la limite emporter facilement avec soi, ce qui n'est pas le cas de l'iPad. Hein. Et je pense que, par exemple, le 3G, ils l'avaient limite tous de base. Hein. C'était quelque chose d'évident. Et là, la 3G, c'était limite pas sûr pendant la keynote qu'on l'a. Enfin, elle y est, hein, il n'y a pas Et tout de. le monde dit, oh, c'est génial, il y a la 3G. Oui. Ah, mais ça, c'est la force d'Apple, c'est ils nous l'annoncent pas tout de suite pour dire que c'est quelque chose de fou, alors qu'effectivement, dans l'absolu, le fait qu'il y ait la 3G dessus n'est pas quelque chose de fabuleux, mais Apple arrive quand même à nous faire croire que c'est quelque chose de fabuleux. Et ça, c'est la force Ouais. marketing d'Apple. Donc, oui, je te Et laisse continuer. donc globalement, en fait, moi, ce que je vais reprocher, c'est que, bon, je vais pas comparer ça à l'iPhone, mais je sais que moi, j'adore l'iPhone, mais je pense que je vais changer. C'est au niveau du système d'exploitation, déjà, c'est assez fermé. Et ce qui va se passer, c'est que, bah, on va être obligé d'utiliser finalement l'espèce d'App Store d'iPad, alors qu'il serait capable de faire bien plus. Et par exemple, les autres tablettes sont sous Linux. Et on peut faire réellement ce qu'on veut. Si on veut installer des applications, on y va. Ouais, mais alors, On enfin, a une liberté complète. c'est ça qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est que, c'est oui, donc il y a beaucoup de podcasts, pardon, qui nous disent quand est-ce que sur macOS ou sur Windows, il y aura directement une librairie pour accéder aux différentes applications, donc pour centraliser les applications. Comme il existe sur Linux. Eh bien, et je suis désolé, mais ce qu'il y a sur l'iTab, c'est un début Parce que l'App Store, dans l'absolu, pourrait aussi exister sur macOS. C'est juste que ça centralise les applications, mais ça restreint en aucun cas le nombre d'applications qui est disponible. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc, pourquoi les gens continuent à dire, ouais, mais nous, on voulait partir d'un OS macOS X et l'adapter à la tablette, au lieu de partir d'un OS iPhone et de l'adapter à la tablette. Mais au final, la quantité d'applications installables, il est absolument pas plus fermé qu'un OS En fait, sur. Ouais, vas-y. au niveau de ce genre de choses, alors surtout avec des firmes comme Apple, qui, bon, je dirais pas plus, mais surtout avec Bah, des ils personnes contrôlent, for... oui, comme enfin, Apple, c'est eux qui autorisent qui arrivent sur l'App Store, tu vois. S'ils disent, bah d'ailleurs ils l'ont fait par exemple Google Voice, on connaît pas beaucoup ici, mais c'est globalement ouais. quelque chose qui permet d'avoir un seul numéro pour son mobile, son fixe, bref, Enfin, là, c'est tout. pas Apple qui décide, hein. C'était le problème de Non, c'est sur Apple qui a par rapport décidé à que Google Skype et tout Voice ne ça. passait pas sur, il n'accepte pas l'application. Ouais, mais par rapport à Skype et Google Voice, c'était Non, la aussi le. VoIP est acceptée maintenant Bah, par. au début, ça avait été un problème, ce n'était pas le problème d'Apple. Bah, après, je sais Non, pas, c'est tu pas as ça, sans parce doute que raison. Skype est passé et il l'utilise maintenant. Enfin, il est obligé d'utiliser le Wi-Fi. D'accord. Tu vois? Ouais, voilà, mais donc c'est. Ouais, bon, ok. Enfin, si Apple dit non, cette application, elle va rentrer en conflit, disons, avec la nôtre, je sais pas, bah, on l'accepte pas. Ouais, enfin, ça. Par contre, oui, Tu mais fais le. que ce que eux ils te proposent, tu peux pas, t'as aucune liberté. Ouais, C'est enfin, ça. ils proposent aussi des. Il n'y a pas d'alternative, par exemple, à iWork qui est proposé sur l'iPad. Pourquoi aller chercher une alternative à ce produit-là? Il est proposé par Apple. Il y en aura. Enfin, je vois pas quel intérêt on aurait d'aller en chercher l'autre. Après, oui, il y a les gens qui prônent le logiciel libre, machin et tout. Enfin, mais je vois pas l'intérêt. Moi, personnellement, c'est mon avis, mais je suis très content avec ce qu'il va y avoir sur l'iPad. Je trouve pas ça fermé du tout. Il y a énormément d'applications et même des applications qui servent à rien. J'en suis conscient, mais sur l'App Store et je sais que ça continuera. Il y aura énormément d'applications nouvelles faites pour l'iPad et ça c'est absolument pas. Enfin, ça restreint absolument pas le champ d'applications disponibles sur l'iPad. Ça aurait été encore plus un bordel, excuse-moi, sur que s'ils avaient adapté macOS X à l'iPad, parce que quelle application pourrait fonctionner tactile? Enfin, ça aurait été super compliqué à adapter. Ça veut dire que n'importe quelle application téléchargeable sur macOS X devrait être utilisable sur l'iPad. Et du coup, devrait être utilisable en tactile et elle ne serait pas du tout adaptée. Alors que là, les applications iPhone sont déjà adaptées pour le tactile. Je sais pas si tu comprends mais ce que je veux dire, mais. Je vois ce que tu veux dire, mais tu sais, l'iPhone OS, c'est juste le. C'est macOS X, hein, mais qui est Oui. légèrement adapté justement pour pouvoir faire ce. Et qui est fermé aux applications uniquement faites pour le tactile, donc sur le SDK iPhone et iPad maintenant. Enfin, justement, moi je trouve que ça permet d'avoir plus d'applications de qualité faites uniquement pour ce produit. Enfin, moi, pour le coup, ça m'énerve de voir les gens qui. Je sais pas, je. Enfin bon. On n'a pas la même vision par contre sur Ouais, ce ok. point-là, évidemment, mais. Bon, bah voilà, en tout cas, vous avez les deux visions, vous en ferez ce que vous voulez. Ensuite, pour moi, l'utilisation. Donc, je pense qu'on est d'accord sur le fait que toi, tu l'achèteras jamais. Oui. Ou pas, enfin, du moins, pas la version 1. Pas les tablettes d'Apple, tout Ah, simplement. d'accord, d'une manière générale, même si il n'y a rien qui puisse te faire changer d'avis. S'il sort une version 2 avec je sais pas quoi. Non. Ok, bon. Alors, moi, là où je vois un intérêt pour l'acheter, parce que sûrement c'est ce qui va se passer, c'est que. En fait, donc je l'ai expliqué sur Twitter, il y a des gens qui m'ont dit, mais je comprends pas, explique-nous, machin. Pour les étudiants. Pour moi. Je serai donc étudiant en école supérieure, études supérieures l'année prochaine. Je me dis que, au lieu d'arriver avec son ordinateur qui pèse super super lourd, qui est super chiant à trimballer et tout, et de le poser, enfin de travailler là-dessus à son école, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un ordinateur qui est beaucoup plus un ordinateur Mac donc. Qui est beaucoup plus cher et un iPad qui est pas très cher finalement parce que si la conversion est bien faite ça sera aux alentours de 320 € le premier modèle Oui, mais ça va être la conversion Apple, 1 euro, 1 dollar égale 1 euro, on est Oui. d'accord. Donc 499 euros, mais c'est quand même pas beaucoup moins cher qu'un MacBook, excuse-moi. Et du coup, qu'est-ce que t'as, en tant qu'étudiant, de quoi tu as besoin? Tu as besoin d'un agenda, tu as besoin de tes mails, tu as besoin d'un traitement de texte, d'un tableur, d'une présentation Keynote. Enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut, plus les applications qui vont sans doute être faites. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour qu'un étudiant puisse utiliser ça. Et je parle donc là des étudiants en études supérieures, mais pour un lycéen, je suis désolé, mais à la place de 50 000 bouquins, pourquoi tout le monde n'aurait pas sa petite iTablette, bon, c'est iPad, c'est un peu utopique, mais pourquoi tout le monde ne se baladerait pas avec ça pour aller à l'école? Ça réduit quand même considérablement le poids et c'est vachement plus écolo, malgré tout. Parce que plus de papier gâché. Et on fait tout sur son iPad. La seule chose qui est effectivement un peu à regretter, c'est la capacité de mémoire. Mais sinon, il y a absolument tout pour un étudiant ou un quelqu'un qui même un quelqu'un qui travaille en entreprise. Je pense qu'il y a déjà énormément de choses que l'iPad fait. Et les gens qui disent, ouais, mais il n'y a absolument pas autant de choses qu'on peut faire sur un iPad et sur un MacBook, mais je suis désolé, mais pour moi, dans ce secteur-là, je trouve qu'il y a absolument tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si tu es d'accord, je pense que tu l'es pas, mais moi, je suis convaincu qu'il y a l'iPad a tout ce qu'il faut pour fonctionner dans ce secteur-là. Alors déjà, tu as bien deviné mon avis. Ouais. Mais sinon, par contre, concernant tu sais, la conversion, Ouais. je vois par exemple Anarchia sur Twitter, par exemple, pour le Nexus One, il a montré donc les prix. Ouais. Et en France, donc c'est 679 euros, ce qui fait dans les 944 $. Or, aux États-Unis, il coûte 529. Ah ouais. Tu vois, donc, tu Non vois un mais petit peu la tablette, comment elle va monter en... elle va pas monter par rapport au prix en dollars, mais en tout cas ça sera peut-être les mêmes à peu près la même tranche de prix. Mais je pense pas qu'ils vont faire un prix en euros plus supérieur au prix en dollars. Ça m'étonnerait vraiment. Mais le Nexus, justement, le prix est beaucoup plus cher en euros, donc ce qui est étrange quand même, Ok. que par rapport au dollar. Donc c'est Ouais non fort possible mais. qu'au niveau de la tablette, ça se... Enfin, le seul truc sur lequel je me base, c'est que j'ai jamais vu sur un produit Apple une conversion supérieure en euros par rapport au dollar. Je crois, enfin, aucun MacBook ou quoi que ce soit n'est supérieur en dollars qu'en euros. C'est à peu près, par contre, effectivement, un dollar égale un euro. C'est tout sur. Enfin, on verra bien de toute manière. Il n'y a pas de prix en euros qui a été lancé jusqu'à présent. Donc, ouais. Une petite question par rapport à ça. Si c'était par exemple Asus qui avait lancé cette tablette, il y avait écrit Asus dessus, Asus avait fait une keynote, etc. Est-ce que tu aurais trouvé que c'était aussi bien que celle Alors qu'Apple a fait? déjà, le jour où je regarderai une keynote Asus, on sera plus de ce monde, je crois, parce que il y a juste la grosse différence, c'est que on porte forcément plus d'intérêt à la keynote Apple et aux produits. Ça, j'en suis totalement conscient. Et du coup, dès qu'il y a la pomme, j'en suis bien plus attaché. Mais je trouve quand même, d'une manière générale, une utilité. Je crois que j'ai essayé de le prouver là en t'expliquant. Je trouve quand même une utilité. Là, ça serait n'importe quelle marque, je serais d'accord avec ce que je dis. Je trouve une utilité pour ce produit. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a rien à dire. Je suis convaincu que ce produit pourrait, en tout cas, moi, m'être utile. Après, j'en sais rien si je suis d'accord pour que certains le critiquent, mais moi, je trouve une utilité à ce produit. C'est tout. Parce que moi, en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à comprendre cet esprit. Enfin, je sais pas comment appeler ça. Ouais. Parce que les tablettes, ça existe depuis pas mal de temps maintenant. C'est assez ancré, disons. Et Enfin. autant avec l'iPhone, les smartphones étaient disponibles depuis avant largement. Mais Ouais, ils ont ils avaient révolutionné. révolutionné au niveau de l'interface. Ils avaient vraiment fait des choses. Quand on allait sur Safari, c'était un vrai web qu'on avait. C'était pas un truc avec une espèce de WAP ou Mais je suis quoi que ce d'accord que là, soit. il n'y a pas vraiment de Là, il y a. révolution, Il n'y a mais. absolument rien. L'OS, c'est le même qu'ils ont sur l'iPhone. L'apparence, c'est un iPhone 2 fois plus gros. Et si Il n'y a c'est ça, rien du enfin tout. moi c'est de toute manière l'Ice Slate hypothétique, enfin ce qu'ils nous avaient promis dans les différents projets qu'on avait vus sur le web, ça ressemblait, c'était ça. Qu'est-ce que les gens attendaient de plus? Ils vont pas, c'est ok, ils attendaient qu'on soit surpris de quelque chose, mais moi j'attendais que ça. Hein, je vois pas qu'est-ce que t'attendais de plus de cette tablette? Bah, par exemple, un exemple assez concret que j'avais vu sur Twitter, par exemple, c'est tu es en train de lire un bouquin et bah, il n'y a pas le multitasking. Donc, tu es obligé en fait de fermer, disons, Enfin ça, ton application livre pour aller, par exemple, si tu veux juste regarder un petit détail, quoi, hop, tu es obligé de tout fermer et de lancer. Enfin, ça déjà, est-ce qu'on en est sûr? Parce que on en a oui, il n'y juste. a pas de multitasking, sûr. Ouais, C'est certain. certain, ouais. Ok. Bon, bah ok, ça je Enfin, suis c'est un d'accord. parmi d'autres. Il y a évidemment énormément de choses qu'il n'a pas. Il n'a pas la caméra, etc. Mais alors attends, Je vais pas ça tout me fait lister, mais rire aussi, mais quel intérêt d'avoir un appareil photo qui sera merdique, forcément, parce que bon, Apple fait pas non plus des appareils photo, sur une tablette, quoi. Enfin, tu vas pas prendre des photos dans la rue avec avec ta tablette, tu vas pas aller en vacances à prendre des photos je sais pas où avec ta tablette, c'est ridicule. et pourquoi l'iPod Nano en a un? C'est Mais ridicule parce aussi, que hein. c'est. Non, c'est un format beaucoup plus adapté à un appareil photo, un format d'appareil photo, quoi. C'est plus petit, ça se trimballe partout. T'as ton iPod Nano même en vacances, partout. Ta tablette, qu'est-ce que tu vas aller foutre avec ta tablette je sais pas où, au fin fond d'un pays, à prendre des photos avec une tablette. Je trouverais. Moi, j'aurais trouvé ça même ridicule qu'il ait un appareil photo, tu vois. Mais la façon dont ils ont présenté, ça a pas l'air d'être vraiment très, pas trop pour une session de nomade. Ça a l'air plutôt wifi à la Ah maison. ouais, c'est au boulot, à la maison, à l'école. Non, mais c'est ça. Et voilà pourquoi d'ailleurs, j'achèterai jamais une version 3G parce que je vois pas du tout l'intérêt. Moi-même, la 3G, je vois pas du tout l'intérêt. On va pas se balader dans la rue à se connecter avec son iPad. Mais la version Wi-Fi, elle prend tout son sens. On est chez soi, on se met devant la télé avec son iPad au lieu d'avoir son gros ordinateur qui pèse 3 tonnes sur les genoux. Là, on l'a dans la main, on est. Enfin, je sais pas, moi je. Bon, il manque, bah, y a aussi, par exemple, il n'y a pas de port USB. Enfin, il y a plein de petits. En Ouais, fait, mais c'est port tout USB, un qu'est-ce. ensemble de détails et aucune innovation. Et surtout un buzz depuis 3-4 ans pour nous dire que ça va être génial. Ah, Et mais puis, enfin, bah, il le n'y a buzz, c'est absolument absolument pas rien. Apple qui a cherché à le lancer. Ils ont rien. Eux, ils ont rien alimenté. Hein. Alors, Il y a eu aucune oui. fuite. C'est les geeks et les gens. C'est nous, quoi. Enfin, Non, à mon avis, il laisse filtrer 2-3 petits trucs. Ouais, enfin, on a alimenté le truc comme jamais. Et effectivement, il y avait fort. J'étais persuadé que les gens allaient être déçus parce que il y a tellement de choses qui s'étaient dit. Enfin, c'était évident, mais après que les moi ce que je trouve aberrant, c'est que les gens du jour au lendemain disent ouais Apple c'est devenu comme Locan. Moi, je suis désolé. Bon, je vais critiquer un podcast, mais je trouve ça nul sa manière de répondre à ce qu'après au produit d'Apple. Et alors, si vraiment il dit qu'il n'est pas du tout intéressé, il n'en parle pas quoi. C'est un peu ma gueulante, mais je suis pas d'accord du tout avec sa manière de réagir. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu cette réaction-là particulièrement, mais j'ai déjà suivi 2-3 fois Locan et je pense que c'est parce qu'il est du sud, il est un peu impulsif, donc tu sais, il. Non mais puis j'adore ce qu'il fait, mais là pour le coup, si en plus il répète constamment que là pour le coup c'est un produit qui l'intéresse pas donc il s'en fout, ben voilà il s'en fout, c'est parce que Par lui contre, en ça, il a pas d'utilité j'ai donc il remarqué n'en quelque parle pas. chose par rapport à ce que j'avais suivi la keynote avec le live de Mathieu Blanco, entre autres. Ouais moi aussi, Et. qui était très bien d'ailleurs. Enfin Oui, c'était. voilà. Enfin, oui. Ah Et d'accord, ouais. donc, non, non, parce que, non, enfin, je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. D'accord. Il y a en fait deux catégories de personnes, les pour et les contre, enfin, c'est bête de dire ça, mais Ouais. en fait, il y a les personnes qui ne sont pas technophiles, mais disons, qui sont entre guillemets normales, s'il y a une normalité, et qui trouvent ce produit séduisant, donc il est assez joli, etc., etc. Et il y a ceux qui sont entre guillemets technophiles, qui voient le côté, par exemple, bah, hardware, software, qui voient les applications, qui voient le matériel, Mais c'est pour et ça que qui, moi je bah, eux, l'appréhende sont dans un. plutôt déçus, Ah parce que ben. justement, il y a Mais ce c'est manque. sûr que tout, enfin moi, c'est pour ça que j'essaie de l'appréhender d'une autre manière. Je me dis, je suis étudiant, basique, je m'intéresse pas spécialement à nous. On s'intéresse à ça, donc forcément on est déçu. On sait qu'il y a d'autres produits qui sont plus intéressants, mais je suis étudiant basique, je m'intéresse pas spécialement à la technologie. Et franchement, ça répond à tous les critères que j'attends. Enfin, voilà, moi ça répond à tous les critères que j'attends. Je suis déçu parce que je sais que Apple pourrait faire beaucoup mieux et pourrait Largement. révolutionner, mais moi, ça répond quand même à tout ce que j'attends maintenant à l'heure actuelle. Il manque la petite révolution. Même la keynote en elle-même était quand même particulière. Il n'y a pas eu le One More Thing. C'était uniquement un produit présenté. Il y a plein de Un choses qui produit, étaient. oui, j'ai été assez C'était très étonnant. troublé par ça. Et il n'y a pas eu de révolution, malgré ce qu'il disait. Mais après, ça répond. Ok, c'est pas révolutionnaire comme tout ce que Apple essaye de sortir. Mais c'est juste un produit. Boom. Ils sont peut-être en retard là-dessus, mais ils ont rattrapé au moins leur retard. Ils n'ont pas révolutionné, mais ils ont rattrapé leur retard. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense. en définitive un produit grand public. Voilà, pour le grand public, moi je suis persuadé que ça peut fonctionner et que dans différentes situations, ça peut même carrément aider à beaucoup de choses. Voilà. Je ne sais pas si on peut finir là-dessus. Si, je pense. Si tu as assez gueulé. Non, finalement, les personnes qui vont être intéressées par la clientèle, finalement, ciblée par Apple. Ouais, peut-être que c'est voulu, finalement, un petit peu, ce détachement. C'est beaucoup moins pro, effectivement. Les personnes vont trouver que ça va être assez restreint pour certaines utilisations. Mais pour une utilisation grand public, scolaire, étudiante et tout ça, moi, je suis persuadé que ça peut faire son petit chemin. Voilà, voilà. Donc, on va finir là-dessus. On finit sur une note un peu d'accord, c'est plutôt pas mal. Oui. voilà, c'est, je pense, déjà terminé pour aujourd'hui. Donc, une dernière chose, je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires sur notre site au www.lesprojetsduweb.fr ou sur iTunes. Mais aussi, si vous voulez intervenir lors de nos émissions, faites-nous parvenir vos commentaires via notre répondeur téléphonique au 01 77 45 50 96. C'est gratuit depuis une box. On se retrouve donc dans 15 jours pour l'épisode numéro 7. Bon, bah, salut William. Salut Mathieu, salut à tous. Salut à tous, à dans 2 semaines.